Chapitre 34e. Quand le comte sortit de l'auberge après cette entrevue, « À la loge !» dit-il à Thomas en remontant en voiture. « À la loge !» répéta Thomas au cocher en sautant sur le siège à côté de lui, et il ajouta « Vous pouvez compter que les choses vont prendre une tournure tout à fait inattendue. » Quand le coupé s'arrêta devant l'habitation de Madame Erol, Cédric était dans le salon avec sa mère. Le comte entra sans être annoncé. Il semblait d'un pouce plus grand que de coutume et paraissait rajeuni de plusieurs années. Ses yeux lançaient des flammes. « Où est Lord Fauntleroy ? » fit-il en s'arrêtant sur le seuil de la pièce. Madame Erol s'avança au-devant de lui. La rougeur de ses joues trahissait son émotion. « Est-il encore Lord Fauntleroy ? » demanda-t-elle. « L'est-il réellement ?»« Oui, » répondit le comte. « Il l'est. Il est mon seul petit-fils et mon seul héritier. » Puis, posant la main sur l'épaule de Cédric, « Fauntleroy ?» dit-il de son ton brusque et impératif, « demandez à votre mère quand elle viendra habiter avec nous au château. » Cédric courut à sa mère et l'enveloppant de ses bras. « Pour vivre avec nous » s'écria-t-il, « pour vivre avec nous toujours. Dites, chérie, quand viendrez-vous » Monsieur Erol leva les yeux vers le comte. Il était grave, mais ses traits avaient perdu leur dureté habituelle. Néanmoins, on voyait qu'il avait mis dans son esprit que le désir exprimé en ce moment ne souffrirait pas de contradiction, ni même de retard. Depuis quelque temps, il commença à penser que le meilleur moyen de se faire aimer de son petit-fils, c'était de se réconcilier avec sa mère, et la conversation qu'il avait eue quelques semaines auparavant avec Madame Erol lui avait fait voir que cette réconciliation ne pouvait qu'être avantageuse pour lui à tous les points de vue. Aussi avait-il résolu de ne pas perdre de temps pour la réaliser. « Êtes-vous sûr qu'il vous sera agréable que j'aille vivre avec vous ?» demanda Madame Erol avec son doux et aimable sourire. « Tout à fait sûr, » répliqua brusquement le comte, « et nous espérons que ce sera bientôt. » Avant que Ben retourne en Amérique, M. Havisham eut une entrevue avec lui. Il lui apprit que le comte voulait reconnaître le service qu'il avait rendu en venant démasquer les intrigues de sa femme, que de plus, son intention était de faire quelque chose pour l'enfant qui avait failli devenir Lord Fauntleroy. Il lui demanda donc comment il pourrait l'obliger. Ben répondit que si le comte voulait lui avancer quelque argent pour acheter des bestiaux, il s'établirait fermier à son compte au lieu d'être au compte des autres, comme il l'avait été jusque-là, et qu'il pourrait ainsi faire une petite fortune. Le comte doubla la somme que Ben demandait à emprunter et la lui donna en toute propriété. Le jeune homme partit donc avec son fils pour la Californie. Il trouva une petite ferme à acheter dans de bonnes conditions et fit si bien ses affaires qu'au bout de quelques années, il devint un des plus riches propriétaires des environs. Tom, qui s'était attaché tendrement à son père et qui était devenu un beau et brave jeune homme, le seconda avec tant d'ardeur dans ses entreprises que Ben avait coutume de dire que son garçon le dédommageait amplement de tous les malheurs qu'il avait éprouvés dans le cours de son existence. Dick ne retourna pas en Amérique en même temps que lui. Il avait été décidé, dès le principe, que le comte se chargerait de l'avenir du jeune garçon et lui ferait donner une solide éducation. M. Hobbs avait accompagné le frère de Ben en Angleterre, et si nous n'en avons pas encore informé le lecteur, c'est que son intervention n'avait pas été nécessaire pour le dénouement des intrigues ourdies par la fausse Lady Fauntleroy. Il s'était décidé au voyage, l'occasion lui semblant propice pour revoir son jeune ami. D'ailleurs, pouvait-on savoir s'il y avait procès, comment les choses se termineraient? Si elle ne s'arrangeait pas la satisfaction du vieux lord, si Tom était admis par les tribunaux comme le fils de Bevis et comme l'héritier du comte de Rancourt, peut-être Cédric et sa mère reviendraient-ils à New York. M. Hobbs alors les y ramènerait, et le brave homme, si ardent républicain qu'il fût, était tellement combattu par le désir de voir son petit ami porter les titres de lord et de comte, et par celui de le voir revenir à New York, qu'il ne savait pas ce qu'il préférait des deux.